4.10 observation, decision and indecision. Est-ce que nous allons avoir un crime dans l'histoire? Oui. Peut-être. Ça dépend. Faut voir. Décision? Ah oui. Oh non. Bien sûr. Absolument. Hésitation, indécision, peut-être, ça dépend, faut voir, on va voir.